Nous allons nous entretenir maintenant avec Olivier Ducharme qui vient de sortir chez Éco-Société, À bout de patience, Pierre Perrault et la dépossession. En fait, tout le long du début de l'émission, on était en pleine dépossession. Donc, c'est assez thématique. C'est oui. Entre autres pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors, bonjour Olivier. Bonjour. Donc, tu peux nous parler de pourquoi écrire ce livre « À bout de patience, Pierre Perrault et la dépossession » comme le titre l'indique, ça traite de dépossession. Et pour moi, chez Perrault, la colonne vertébrale de son œuvre traite de dépossession. À partir même de l'île aux coudes, surtout par les voitures d'eau, on commence à bien comprendre de quelle manière l'île aux coudes est en train de mourir à l'époque, mourir économiquement, et en même temps être dépossédée de son territoire qu'elle avait auparavant par le fleuve Saint-Laurent. Et par la suite, Perrault, si on fait un bond dans le temps, en arrive en Abitibi. Et en Abitibi, il trouve à peu près la même dépossession, mais qui est faite sur le territoire agricole abitibien. Et troisièmement, avec les Amérindiens, mais là, c'est une dépossession culturelle, territoriale et même économique. Donc, c'est ça que j'essaie de montrer dans l'ouvrage. Comme je dis, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'œuvre de Perrault. Puis à ça, il y a plein de thématiques qui se joignent à ça. Puis c'est ça que j'ai aussi montré dans le livre, c'est qu'à partir de ça, il y a d'autres thématiques qui se développent. J'aime bien poser des questions aussi personnelles. Comment Pierre Perrault fait surface dans la vie d'Olivier Ducharme? Pour faire une histoire courte, j'ai étudié en philosophie. J'ai un doctorat en philosophie. J'ai toutes fait mes études dans ce champ-là. Et rendu au doctorat, j'ai eu une espèce d'épiphanie en me disant, on parle uniquement de philosophes européens. On parle uniquement de l'Europe. On aime mieux parler du Rhin au lieu de parler du fleuve Saint-Laurent. Et c'est surtout à partir de l'œuvre de Perrault que ça m'a vraiment éclaté au visage, de quoi on parle quand on parle de philosophie, si on parle pas uniquement d'une philosophie européenne. Il y a une espèce, encore aujourd'hui, une espèce de colonialisme qui est présent en philosophie. On parle rarement du territoire québécois, on parle rarement aussi de la culture québécoise. Et c'est surtout Perrault qui m'a permis une espèce de renaissance à la culture québécoise pour moi. Ça a été surtout à partir de ses écrits. J'avais déjà vu son œuvre avant documentariste, mais c'est à partir de ses écrits, ses essais et sa poésie que là, ça m'a vraiment apparu clair. Et ça l'a vraiment changé, même le cœur de mon doctorat, qui ça l'a différé à partir de ce moment-là. À quelque part, t'es arrivé ici. Oui, pour de vrai. Puis on le voit chez Perrault aussi. Chez Perrault, dans ses premiers poèmes, dans le recueil qui s'intitule « Portulans » en 1961, il traite surtout de cette thématique-là, savoir qu'il a voyagé partout, mais pour revenir au même point. Mais en revenant au même point, il s'est découvert lui-même. Il a découvert que le territoire québécois avait quelque chose à dire, que la parole québécoise avait quelque chose à dire aussi, mais qu'on l'a gardé sous silence, surtout à l'époque, quand il a commencé, fin des années 50, début 60, la parole québécoise n'était pas présente du tout. Surtout que lui, il venait du cours classique. Il avait appris le grec, latin. Pour lui, entendre la parole de l'île aux coudes, ça a été vraiment une révélation. Ça a été la découverte du territoire s'est fait là pour Perrault. Et ça a été un peu le même processus que j'ai eu moi-même, mais c'était à partir d'une réflexion philosophique aussi pour... J'ai délaissé la philosophie un peu à partir de ce moment-là aussi pour m'attaquer un peu plus à mes fibres québécoises, on peut dire. Est-ce que tu as vraiment délaissé la philosophie ou tu as fait la philosophie autrement? J'ai un peu plus délaissé la philosophie. OK, tout simplement. Oui, le livre, moi, je trouve pas qu'il transparaît beaucoup de philosophie. Bon, c'est sûr que c'est pas un traité de philosophie ou c'est pas la philosophie dont on est habitué dans les écoles, particulièrement dans les universités. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont philosophiques, on pourrait dire. J'essaie de m'en sortir, mais je reviens toujours. Non, mais je pense que c'est tout à fait intéressant de matérialiser, de faire vivre. On pourrait parler du concept de vie, puisque mm-hmm. tu en parles, de faire vivre la philosophie, de l'incarner, en fait. de, d'aller au-delà du fait que les textes accumulent la poussière, mais que ces gens-là, même qui ont écrit ces textes-là, ont vécu aussi. Oui. Et c'est à partir de leur vécu qu'ils ont écrit leur philosophie. Oui, mais pour revenir au concept de vie chez Perrault, c'est le cœur de son œuvre. Ça, j'en ai traité dans un autre ouvrage qui a été publié cette année avec... je l'ai écrit en collaboration avec Pierre-Alexandre Fradette. Pour Perrault, la vie, c'est pas un concept abstrait, c'est pas un concept général. Le concept de vie, c'est notre pratique même qu'on fait à chaque jour. C'est le fait qu'on a un corps, qu'on vient avec notre corps et qu'on fait certains gestes. C'est-à-dire, pour lui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une espèce de mouvement de la vie. Mais en même temps, la vie se dit chez Perrault. Il y a une parole. Puis la parole, on sait que ça, c'est le, encore une fois, c'est l'esprit que Perrault essaie de rechercher sur le territoire québécois. C'est avec la parole qu'il fait. Quand il parle avec Alexis Tremblay dans l'Île aux Coudes, c'est la parole qui l'intéresse. Donc, dans un deuxième temps, il y a la parole qui lui permet de recouvrir un peu la vie sur le territoire. Et troisièmement, il y a aussi la communauté qui se décrit à partir de la parole aussi. C'est-à-dire, pour Perrault, la vie se décrit vraiment à partir d'un mouvement corporel, un mouvement de travail sur le territoire, par la parole et ensuite de ça, par la communauté. C'est-à-dire, tout ça est vivant, tout ça n'est pas désincarné, tout ça se donne véritablement dans l'existence quotidienne. Et c'est ça qu'il va rechercher à l'île aux coudes. Tout ce qu'il va chercher, c'est le travail sur le territoire, un travail qui est physique. Puis même en Abitibi, c'est ça qu'il va rechercher aussi. C'est ça qui a été perdu. Quand on parle de dépossession, c'est une dépossession de la vie en tant que telle. C'est pour ça que j'en ai traité dans un ouvrage, parce que c'est vraiment très, très important chez Perrault. Et la vie est toujours en mouvement, est toujours en train de se rejouer elle-même, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je réécoutais, par exemple, Le goût de la farine en fin de semaine et Le pays de la terre sans arbre, le machin Winnipeg. C'est que Perrault questionne aussi nos rapports à nous, Québécois francophones, avec les Autochtones. Ouais. Et en quoi il y a un colonialisme aussi à la base de notre relation. Oui. Parce qu'on peut parler de comment on a été colonisé dans l'histoire par les Anglais parce qu'on a perdu la guerre contre les Anglais. Mais on oublie souvent de parler de en quoi notre présence ici est une présence coloniale aussi. Oui, c'est ça qui l'intéresse chez les Amérindiens aussi. Mais en même temps, sa thématique, à partir des deux documentaires, Le goût de la farine et Le Mouchonipi, c'est surtout notre rapport qu'on va avoir avec ces gens-là. On n'a pas de rapport direct. Il faut toujours passer par des intermédiaires. Ici, le curé de la réserve de la Romaine est extrêmement important. C'est lui qui traduit qu'est-ce que les Amérindiens sont en train de dire. C'est-à-dire, on n'a pas un contact direct avec eux. Oui, on les a vraiment tassés du territoire, on les a dépossédés de leur territoire, mais on n'est même pas capable d'entrer en contact véritable avec ces gens-là. Ils sont toujours, c'est l'autre. C'est l'autre qu'on pousse plus loin, qu'on connaît très mal. C'est ça que Perrault essaie de montrer aussi. Le contact véritable n'est pas possible. C'est ça le cœur du goût de la farine, puis de Mouchouanipi. C'est-à-dire, c'est un œuvre, c'est ces deux films qui sont encore d'actualité. Ouais. On n'a pas perdu ça. On n'a pas perdu cette question-là. Est-ce qu'on peut vraiment entrer en contact avec la culture et nous? C'est vrai que même dans les films, on passe par Didier Dufour, par le curé Alexis... Comment il s'appelait déjà, en tout cas? Je pense que c'est Alexis, son nom. Mais... Alexis Jouvenot, donc. Oui, c'est ça, Alexis Jouvenot. Et puis, par l'ethnolinguiste dont je ne me rappelle plus du nom. Puis, Serge-André Crête, qui est archéologue. Mais on passe toujours par eux pour arriver aux Autochtones, en fait. Toujours. Aux Innus. Toujours. Dans ce cas-ci. C'est la problématique qui intéressait Perrault. C'est savoir, c'est l'intermédiaire. On a toujours besoin de ça pour leur parler, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Est-ce qu'on y arrive? Pour Perrault, non. Pour Perrault, il y a toujours une distance qui est créée. Puis lui-même avait un certain malaise devant ça. Cette partie-là de Perrault est assez malaisante à regarder pour nous en tant que Québécois, surtout pas avec les Amérindiens. J'ai jamais été à l'aise à regarder ça. Je me sens un peu toujours coupable de qu'est-ce que je vois. Et je pense que Perrault ressentait ça un peu aussi. Peut-être. Ouais. On parle de comment t'en es arrivé, Perrault, ou plutôt Perrault est arrivé vers toi. Mais on pourrait parler de qu'est-ce que t'as envie que ces deux livres-là, parce que ça fait deux livres dont tu disais. L'autre s'appelait Une vie sans bon sens. Ouais, c'est ça. Un regard philosophique sur Pierre Perrault avec Pierre-Alexandre Fradet qui avait été publié chez Nota Bene. Puis là, à bout de patience, Pierre Perrault, La dépossession. Qu'est-ce que t'as envie que les gens y reçoivent du fait que t'as écrit deux livres en collaboration et seul? Oui. Pour le livre chez Éco-Société, c'est-à-dire À bout de patience, par ce livre-là, j'essaie juste de montrer. Le titre porte bien l'objet. C'est À bout de patience. Il y a une certaine colère qui est portée par ce livre-là. Quand j'ai commencé à travailler sur le projet, le sous-titre n'était pas pareil non plus. Ça portait vraiment beaucoup plus sur la colère chez Perrault. Mais là, ça a évolué. Mais par la parole de Perrault, par ses documentaires, c'est une espèce de revendication aussi du territoire. C'est une revendication qu'on peut se réapproprier les choses. C'était vrai à son époque, c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça qui m'intéresse le plus chez Pierre Perrault, et c'est surtout une réappropriation de sa propre parole pour être capable de revendiquer nous autres-mêmes qu'est-ce qu'on veut avoir ou qu'est-ce qu'on recherche. Bien, merci beaucoup, Olivier oui. Ducharme. C'est tout pour aujourd'hui, mais en fait, on pourra te réinviter si tu es disponible plus tard pour une autre entrevue, parce oui. que j'ai l'impression que... Ah, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est ça. Puis qu'on ne pouvait pas faire le tour aujourd'hui. Donc, c'est le livre écrit par Olivier Ducharme, À bout de patience, Pierre Perrault et La dépossession. Merci beaucoup. Merci.